Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Andy Warhol. À la mort de Andy Warhol, un peintre anglais a déclaré au New York Times « Voilà, le plus grand escroc du XXe siècle est mort. » Et alors là, moi, je me révolte. Car Andy Warhol, le personnage Andy Warhol, pouvait peut-être être moralement douteux. Mais l'œuvre de Warhol a subjugué tellement de monde. Génie pour les uns, escroc pour les autres, Andy Warhol reste assurément l'un des artistes qui aura le plus marqué le 20e siècle. Son œuvre est facilement reconnaissable et les images qu'il nous propose nous sont familières. La boîte de soupe Campbell, la bouteille de Coca-Cola ou le visage de Marilyn. L'art de Warhol, c'est après tout celui du pop art. Andy Warhol était depuis plus de 20 ans comme ses cheveux blancs albinos, étrange et facilement repérable. Mais cela ne le gênait pas, bien au contraire, il n'avait jamais rien fait pour rentrer dans la norme et se fondre dans la foule. La provocation était pour lui une œuvre d'art. Artiste qui se vantait d'être commercial, très doué pour la publicité, son premier métier, il aura touché à tout, la peinture, le cinéma, la musique, le journalisme. Mais c'est surtout en peignant des objets ordinaires, des étiquettes de boîtes de soupe par exemple, ou des photos de vedettes comme celle de Marilyn Monroe, qu'il était devenu célèbre dans les années 60. Censuré ou admiré, il était en fait reconnu dans le monde entier. Ses œuvres sont d'ailleurs exposées dans de nombreux musées. Le héros de la contre-culture était petit à petit devenu un classique, un comble tout de même. Dans un film musical qu'il venait de produire, Andy Warhol affirmait « Dans l'avenir, tout le monde un jour sera célèbre pendant un quart d'heure au moins ». Sa célébrité à lui aura duré et durera sans doute beaucoup plus longtemps. Bertrand Vanier, France Inter, Washington. La vie d'un homme résumée en une minute dans ce reportage qui a été diffusé le jour même de la mort d'Andy Warhol, le 22 février 1987. Vous avez peut-être également reconnu, évidemment, cette chanson de David Bowie, Andy Warhol. Pour nous raconter l'œuvre, la vie de Warhol, mon invité est Paul Maréchal. Monsieur Maréchal, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Beauchamp. Vous êtes un fou fini de Warhol, conservateur, collectionneur. Vous avez une des plus importantes collections de Warhol au monde. Vous avez écrit de nombreux livres sur Andy Warhol. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez lui? Warhol est un artiste qui me fascine, pas le personnage autant que l'œuvre, je dois dire, parce que Warhol d'abord a été un artiste qui a montré le chemin aux générations actuelles d'artistes. C'est le premier artiste qui, peut-être à cause de son passé d'illustrateur de magazine, a décidé que quand on était artiste, on ne fait pas que de la peinture, de la gravure ou de la sculpture. On peut aussi utiliser le Polaroid, la vidéo, le fax, des supports aussi peu traditionnels pour les beaux-arts que des affiches pour des annonces de vodka ou autre. Et c'est ça qui me fascine et c'est la variété des sujets que Warhol a abordé, et des médiums également, qui en fait un artiste vraiment unique. Très moderne, visionnaire, multidisciplinaire avant l'heure. Vous avez dit quelque chose d'énorme, mais la formule est jolie. Si la première moitié du 20e siècle appartient à Picasso, la seconde moitié, c'est celle de Warhol. C'est pas rien quand même. Pourquoi? Parce que on mesure l'importance d'un artiste à l'influence qu'il exerce sur les artistes de sa propre génération et ceux qui viendront ensuite. Picasso a certainement eu cette influence-là, et Warhol l'a eu. Alors, c'est pas une question des meilleurs, pas meilleurs, c'est la seule question qui compte, c'est l'influence. Un artiste est important quand il y a une influence à son époque et celles qui suivent. Alors, pour Andy Warhol, ça commence à Pittsburgh. Il grandit à Pittsburgh. Parlez-nous du jeune Warhol. Ah, des parents qui étaient des immigrants de ce qui est aujourd'hui la Slovaquie, un petit bled de Mikova, au fin fond de la Slovaquie. Et puis, bon, ils arrivent dans les années 20 et puis s'installent à Pittsburgh. Warhol fait partie d'une fratrie de trois garçons. Hein, il y a deux frères aînés, Paul et John, qui naissent au début des années 20, Andy en 28. Famille pauvre. Le père de Warhol, qui est un, ce qu'on appelle un journalier, va décéder lorsque Andy aura 14 ans seulement. Donc, c'est vraiment une enfance marquée par la pauvreté. Mm-hmm. Et puis, Warhol, on ne peut pas le blâmer de ne jamais vouloir retourner à Pittsburgh. Je pense qu'il est retourné une fois ou deux dans toute sa carrière à partir du moment où il s'installe à New York en 49. Et puis, donc, il va au high school, mais surtout, il est affligé d'une condition neurologique, hein, le Saint Vitus Dance, le Coréa, je pense, en français, on dit. Et donc, ça va le garder au lit pendant une certaine période de temps, à l'âge de 8 ans, mmh. développe des symptômes importants. Et puis, sa mère, pour le garder, le distraire, lui achète des revues de potins là, de Hollywood, de vedettes d'Hollywood. Ça va être important, évidemment, parce qu'il sera complètement fasciné par ce monde hollywoodien, par les vedettes d'Hollywood. Donc, il décroche son diplôme. Vous l'avez évoqué, il arrive à New York en 49. Pas pour y peindre tout de suite. Là. Il est d'abord quoi, graphiste? D'abord, dans les années fin 40 et pendant les années 50, il n'y a pas de galerie à Manhattan qui montre les œuvres des jeunes artistes ou pas de grandes galeries organisées suffisamment. Donc, les artistes, évidemment, doivent faire valoir leur talent autrement. C'est principalement par le biais d'illustrations pour des magazines, pour des pochettes de disques, des couvertures de livres, etc., que Warhol va exercer son art dans les premières années. Et il faut bien comprendre que Warhol a été illustrateur de magazines pendant les 14 premières années de sa vie. Mm-hmm. Et c'est une pratique artistique qui a marqué son œuvre. D'ailleurs, il a continué toute sa vie à illustrer des magazines. Oui, c'est vrai. Vers la fin, surtout évidemment des couvertures de magazines parce qu'il était très connu. Mais le modèle d'affaires que comprenait et qu'avait expérimenté Warhol était celui de la collaboration d'un magazine, mm-hmm. hein, qui emploie des photographes, des rédacteurs en chef, des correcteurs, alors c'est un projet collaboratif et Warhol a consciemment, oui, je le dis, consciemment, appliquer ce modèle d'affaires à la factory qu'il va créer en 1963. Ça va le suivre, parce qu'il y aura des collaborateurs, il y a plein d'assistants là, qui travailleront. On va revenir à cette factory, à ce milieu, tout ce que ça a voulu dire. Mais restons sur ses débuts comme peintre, donc illustrateur pendant 14 ans. Le coup de tonnerre, c'est 1962, c'est cette expo avec ses boîtes de soupe Campbell, et c'est Paul Maréchal, un électrochoc dans le monde des arts. C'est un véritable tremblement de terre parce que, évidemment, c'est un objet du quotidien que tout le monde, tous les Américains ont pu voir. Et le succès de Warhol n'est pas arrivé à New York, il est arrivé à Los Angeles, à la Ferris Gallery, qui, à partir du 8 juillet 1962, va présenter cette série-là d'une trentaine de boîtes de soupe Campbell et toutes les variétés disponibles à cette époque-là. Et justement, ces boîtes de soupe Campbell-là, ces tableaux-là, démontrent parfaitement la transition entre le travail d'illustrateur, de graphiste, si vous voulez, de Warhol, et le travail de peintre. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Warhol fait ces tableaux-là, c'est qu'il cherche un sujet de tableau. Et il y a une de ses amies qui lui dit, ben, tu me donnes de l'argent, je vais te dire quoi peindre. Alors, elle lui dit, fais ce que tu aimes. Alors, peins les objets que tu aimes. Ouais. Et Warhol est habitué à manger de la soupe Campbell aux tomates tous les midis. Elle dit, ben, je vais peindre une boîte de soupe. Mais qu'est-ce au juste que le pop art? Paraît-il, c'est le dernier cri dans le monde artistique à New York. C'est un art qui, décrié par les uns, vanté par les autres, ces œuvres de tuyaux, de poils, de déchets de toutes sortes passeront-elles à l'histoire au même titre que les Rembrandt et les Vermeer? Alors, c'est extraordinaire, ce pop art qui dérange, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui pourtant, Paul Maréchal, va être un courant important, va s'affirmer. Qu'est-ce qui fait que ça va s'affirmer? Warhol disait toujours, une œuvre, peu importe le support sur lequel elle s'incarne, elle doit être une œuvre qui parle de son temps, de son époque. Et toutes ces boîtes de soupe, ces boîtes, ces bouteilles de Coca-Cola ou de Marilyn Monroe, ben, sont des images, des icônes de la culture américaine, mm-hmm. et même plus à cette époque-là. Et Warhol traduit parfaitement, justement, l'essence et l'esprit de son époque. Et en fait, c'est ce qu'on demande aux artistes. Mm-hmm. Hein, c'est le défi en se levant tous les matins pour un artiste, c'est justement d'essayer de capter quelque chose, l'essence, l'esprit de son époque qui va rester. On l'a critiqué parce qu'il, on disait c'est banal, c'est de la reproduction, puis on viendra un peu plus tard sur cette technique, mais est-ce qu'il n'y a pas tout simplement chez Warhol des œuvres qui sont accrocheuses, qui sont esthétiquement belles? Ben, c'est la caractéristique principale du pop art, c'est d'agrandir le sujet. La boîte de soupe Campbell, représentée par Warhol, peut être 5, 10, 30, 100 fois plus grande que la véritable boîte de soupe. Et ce processus fait en sorte de révéler les critères, les aspects esthétiques du graphisme d'une boîte de soupe Campbell. En fait, ça ne fait que magnifier un objet qui devient banal parce qu'il est quotidien. En l'agrandissant tout à coup, on en redécouvre l'aspect esthétique intéressant. Et c'est l'une aussi, ça c'est pas rien, ça dit quelque chose sur l'artiste qu'il a été. C'est, je pense, on peut dire, Warhol, encore aujourd'hui, l'une des signatures les plus facilement reconnaissables. On reconnaît tout de suite. Oui, immédiatement, et c'est probablement ce qui est une des causes de son succès. Et en plus, les sujets sont connus de tous, ce qui va davantage encore aider à faire reconnaître et connaître l'œuvre. Alors, c'est quoi ces grands sujets de prédilection? On a évoqué Hollywood tout à l'heure, cette fascination, là, ces magazines pendant qu'il est malade, qu'il lit, sa mère lui fournit ces magazines. Il est vraiment obsédé des stars d'Hollywood. Oui, mais en même temps, il fraye avec la jet set. Hein? Après la tentative d'assassinat dont il est victime en juin 68, il va plutôt rechercher la compagnie rassurante et bienveillante et intéressante des gens riches et célèbres, dont il fait les portraits. Warhol a fait près de environ 1000 portraits de commande, donc de gens connus qui avaient les moyens de s'offrir un portrait de Warhol. Mais ça, c'était, si je puis dire, l'aspect alimentaire de l'œuvre de Warhol. Parallèlement à ce travail alimentaire qui est tout de même formidable, Warhol se consacre à des séries, des suites de sujets qui offrent une variété incroyable. Il fait une série sur des ombres, sur des pierres précieuses, sur des fruits, sur des volcans. Il y a rien qui arrête son imagination. Une suite aussi sur le Mao Tse-tung, évidemment, le leader communiste. Mais des grands personnages, que ce soit par commande ou pas, il y aura de ces grands personnages politiques, des acteurs. Le quotidien, on l'a évoqué, la boîte Campbell, le soupe Campbell, le Coca-Cola. Brio, le savon Brio. L'actualité aussi. Accident de voiture, il est très... Oui. On retrouve ça dans ces... Fasciné par la mort, hein, dans les années 64-65, il y a une série qui s'appelle Death and Disasters, mort et désastre, enfin, accident, où on voit des accidents de voiture. La série sur les chaises électriques aussi le fascine, ou quelqu'un, type qui est en train de sauter d'un énième étage d'un immeuble. Etc. Oui, Warhol est fasciné par la mort aussi. On revient sur son intérêt, puis ça nous permettra de parler de la technique Warhol aussi, son intérêt pour Hollywood. Un extrait, en fait, et l'utilisation de la sérigraphie, extrait d'un documentaire diffusé à la chaîne Arte, Ten Lizzes, diffusé en 1999. Dès son enfance, Andy Warhol a collectionné photographies d'acteurs, affiches, magazines de cinéma. Il choisit une photographie de Marilyn. Il la recadre. Et pour la première fois, il a l'idée d'utiliser la sérigraphie pour fabriquer une image. Il la tire en série en déclinant plusieurs variantes. Happy birthday to you. Le visage de Marilyn rendra Warhol célèbre. Warhol est parti d'une idée simple. L'image a acquis un pouvoir immense dans nos sociétés. Il s'empare donc des images les plus envahissantes, les détache, les épure, les colore, les décolore, les multiplie. La technique Warhol, Paul Maréchal, l'image en série, la sérigraphie. C'est important, la sérialité dans l'œuvre de Warhol. Donc, l'image répétée, mais toujours avec une variante. Pour Warhol, cette sérialisation de l'image représente en fait la vie. C'est-à-dire que pour Warhol, on a souvent les mêmes gestes, les mêmes pensées au quotidien. Il y a toujours une répétition. Des fois, il y a un contexte qui change un peu. Et c'est ce que Warhol veut rendre par la sérialisation, la répétition de la même image, mais toujours avec une couleur différente, une pose différente du modèle. Et donc, Warhol trouve aussi qu'il y a un aspect le maladroit dans ses sérigraphies. C'est-à-dire qu'avec la grande trame sérigraphique, qui est déposé sur la toile et qui est transféré avec la raclette là, et de l'encre, ben, il y a toujours un petit défaut. Il y a toujours plus d'encre, moins d'encre, etc. Puis des fois, par exemple, dans le cas du portrait de Marilyn, l'ombre à paupières de Marilyn est un peu décalée par rapport aux yeux, etc. Et Warhol aime ces défauts-là. Il trouve que c'est intéressant, ça rend l'aspect plus humain. Et c'est cette idée de la sérialité, c'est l'époque en musique de Steve Riley, de John Cage. Oui. C'est ça aussi, cette musique sérielle transposée dans un art. En peinture, voilà. Oui, exactement. On peut pas faire, évidemment, pour l'évoquer un petit peu plus tôt, une émission sur Andy Warhol sans parler de son loft, The Factory, sur une musique du groupe Velvet Underground, dont Warhol va être le producteur. On écoute l'historien de l'art, Henri Barras, qu'on entend d'ailleurs au tout début de l'émission, qui nous parle de Factory à l'émission L'Aventure en 1988. I don't know. Andy Warhol décrit ses personnages à l'amphétamine comme étant des laissés pour compte du domaine du spectacle, des gens qui ont des qualités de star, mais qui n'en ont pas l'ego, et qui étaient tellement insécures qu'ils ne pouvaient pas devenir de véritables professionnels du spectacle. Et dans son loft de Factory, Andy Warhol était totalement absorbé par cet entourage de gens qui se jetaient des insultes, qui se mirait dans les miroirs, qui profitait des gentillesses sexuelles des uns et des autres, qui se battait pour changer les disques, car il y avait toujours ceux qui voulaient écouter de la musique rock et ceux qui voulaient imiter Maria Callas. The Factory était donc une sorte de sanctuaire où une centaine de personnes y trouvaient refuge et où d'autres voulait être là pour être dans le sillage de Andy Warhol. C'est la défense à The Factory, Paul Maréchal. Parlons un petit peu des mœurs de Warhol. Dans quelle mesure lui-même participe à ce qu'on vient d'entendre? Warhol n'est pas du tout, contrairement à la croyance populaire, quelqu'un qui se drogue. La seule drogue qu'il a prise, c'était au cours des années 60, c'était de l'obétrol, qui est une forme d'amphétamine légère. Et Warhol la prenait, en fait, pour garder sa taille. Warhol avait trois craintes dans la vie. Gagner du poids, attraper le cancer ou de manquer d'argent. Donc, ces trois peurs-là vont guider toute son attitude. Mais pas de consommation de drogue, même sur l'alcool, la sexualité. Plus observateur, au fond. Ah, tellement. C'est un voyeur. Il aime voir. Et ce cirque de la première Factory, avec le papier aluminium tapissé partout, est en fait une façon pour Warhol d'attraper les gens qui ont quelque chose d'intéressant à dire ou de leur donner cette tribune en les faisant apparaître dans ses films, voyez-vous. Et puis, à un moment donné, Warhol va révéler en 77 qu'il a pris l'idée, en fait, de Diana Vreeland, qui était l'éditrice en chef du magazine Vogue. Warhol disait, elle s'entoure de magnifiques jeunes gens, de jeunes filles qui n'ont pas besoin de travailler, c'est une des conditions pour avoir l'emploi, et puis elle prend cette énergie et ces idées de ces jeunes gens qui la stimulent. Et Warhol dit, moi, je fais la même chose au bureau, mais la Factory, on dit que je le fais comme un macro. Et puis toujours cette idée, vous en avez parlé, mais ce modèle qu'il va toujours continuer d'adopter, ça se fait en groupe, le modèle des magazines, j'ai des collaborateurs, c'est une espèce de laboratoire. Et Warhol est en plus, il sent cette pression de produire parce que à la Factory, il y a 100 jusqu'à 120 personnes qui travaillent à la réalisation de ses œuvres. Et Warhol a cette pression des bouches qu'il a à nourrir. Il doit produire, créer pour arriver à payer les salaires de tous ces gens-là. On écoutait un extrait de Velvet Underground. Il sera le producteur de ce groupe-là. Un tout petit mot, mais sur la place, l'importance qu'aura la musique pour Andy Warhol. Warhol comprendrait bien que comme le cinéma, la musique touche beaucoup de gens. C'est aussi un médium pop par excellence. C'est la musique pop. Et Warhol constamment aura l'esprit cette idée-là. D'ailleurs, en 62, Ils fondent un groupe musical avec Clay Oldenburg, l'artiste aussi. Quelques gens du milieu du pop art, ils appellent ça The Drudds. Et il y a même une chanson sur laquelle, une archive qui a été retrouvée, où Warhol chante une chanson dont le refrain, il chante Coca-Cola. Ouais. On comprend pourquoi il n'a pas fait une carrière en chanson. Ensuite, il revient, il produit le disque des Velvet Underground, rien de moins. Ensuite, en 1980, il va produire aussi le disque de son assistant à la Factory, qui est chargé de nettoyer les trames sérigraphiques, là, de les désancrer. Et donc, il y aura toujours eu cette à l'esprit, la musique. Au Studio 54, il rencontre plein de vedettes de la musique. En fait, il est là pour les démarcher, pour obtenir un contrat de portrait. Voyez. Un tout petit mot, un dernier extrait qui va nous conduire, puis on va terminer là-dessus, sur l'homme Warhol. Léo Castelli, galeriste à New York, à l'émission L'Art d'aujourd'hui, en 1980. C'est un homme extrêmement mystérieux. Je crois qu'il est très difficile à pénétrer. Quelquefois, on peut parler avec lui. Il est assez... il parle rapidement et volontiers. Souvent, on ne peut pas sortir un mot. Il est absent, éloigné. Et c'est très difficile de dire que, ce qu'il est comme personne. Vraiment très difficile. C'est un des personnages les plus impénétrables que je connaisse. Quel genre d'homme est-il? Warhol est un homme timide. À la Factory, d'ailleurs, c'est pas lui qui donne les ordres. C'est Fred Hughes, son gérant d'affaires. Warhol est un rêveur. Quand il était étudiant à l'université, à Carnegie Tech, il dessinait dans ses cahiers. Mm-hmm. Warhol, c'est un poète, un rêveur, quelqu'un de timide qui a eu pour talent de s'entourer de gens qui ont pu lui permettre de concrétiser son projet artistique. En un mot, l'héritage qu'il nous laisse. Immense, justement, cette liberté pour les artistes de produire des œuvres dans d'autres supports que la toile, le papier ou la glaise ou le bronze, si vous voulez. Donc, cette liberté de pouvoir faire des vidéos musicales pour des groupes rock, de faire de la publicité. Warhol a réintroduit l'art dans la publicité qui avait été confié aux graphistes depuis le début du 20e siècle. Et donc, à l'image là, des Toulouse-Lautrec et des Jules Chéret qui, en France, à la fin du 19e siècle, ont su insuffler un véritable caractère artistique au graphisme. Warhol a fait la même chose. Et Warhol n'avait aucun complexe à utiliser. Le fax a été d'ailleurs le premier artiste qui a utilisé le fax pour créer une œuvre d'art. Et aussi les ordinateurs avec Steve Jobs. Il a créé des œuvres par ordinateur, le premier en 86. Paul Maréchal, c'était absolument fascinant. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.